commencer par ne rien connaître à la musique, avoir sans le savoir l'oreille et le sens de la rythmique. Se sentir inutile, laisser 10 doigts, rencontrer le rap sur un trottoir, se dire qu'il n'est jamais trop tard. Venir de nulle part, travailler son art, laisser passer les années jusqu'à attirer les regards. Monter sur scène, check le micro, rapper ses entrailles, gagner le respect dans le milieu à chaque freestyle. Ouvrir le livre de l'histoire, écrire sa rage et ses espoirs. Trouver dans son désert de l'or noir, le faire jaillir jusqu'à éclabousser l'auditoire. Le toucher, ses ennemis émouvoir. Rêver le jour que toi y aies gloire et pouvoir. Enfin ce putain de bout de tunnel entrevoir. Voir grandir une aura autour de soi. Se mettre à dos la famille qui nous conçoit. Que rarement le choix de tout larguer pour peut-être une éphémère popularité. Mais continuer malgré tout, s'approprier la foule, en profiter de peur que tout ne s'écroule. Rater peut-être la chance de sa vie, mais au diable le reste. Avoir sa voix sur un vinyle, vendre ses disques plus que l'on ne l'espérait. Remercier Dieu autant de fois que l'on peut respirer. Envoyer des âmes au cimetière des MC, à ceux qui nous ont boostés. Redire merci, commettre des erreurs de parcours. Susciter jalousie et envie parmi les vautours. Avoir le cul entre deux chaises, vouloir garder la tête haute et palper le pèse. Parler de foi, d'injustice et d'abus de pouvoir, mais commettre avec le sourire le pire du matin au soir. Mater son blaze et sa canache dans la presse. Vivre de la musique, prendre un peu de graisse. Influencer une masse d'une manière ou d'une autre, ne pas s'en rendre compte et commettre des fautes. Faire un peu de tôle, mais pas trop longtemps. Ressortir et toucher le pactole. Avoir raison, prendre la grosse tête. Parler d'undercover en rêvant d'une corvette. Dépendre des médias et de l'argent. Goûter à l'or et en vouloir dorénavant. Ne plus avoir l'efficacité d'avant. Perdre l'œil du tigre, se débattre dans le néant. Faire la déception de public passionné. Gagner la tranche d'âge primaire et lycée. Ne rien comprendre de ce qui arrive. Se sentir partir peu à peu à la dérive. Accepter aujourd'hui ce que l'on vomissait jadis. Se laisser aller, allégreur et au vice. Se faire oublier avec le temps et même tenace. Ne plus savoir remonter à la surface. Dealer avec un mauvais staff. Être wanted. Brûler sa vie en une taf. Être une nouvelle école plus inspirée que la sienne. Se faire brûler par un petit MC qui a rien à perdre. Lâcher une larme en essayant de cacher sa peine. Et finir en légende urbaine au fond d'une peine. Et finir en légende urbaine au fond d'une peine.